Un aviateur intrépide, une jolie reporter de Ville Robot. Cette semaine, on a maté Captain Sky et le monde de demain et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Un tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu cette semaine consacrée à Captain Sky et le monde de demain de Kerry Conran. Je sais pas comment ça se prononce. À mes côtés, prononce pas. À mes côtés pour en parler avec moi ce soir, Greg. Bonsoir. Et Mickaël, bonsoir. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. je peux le faire. Vous qui êtes si nombreux ce soir. Et cette semaine, on s'est fait planter. Nous ne sommes que trois, malheureusement. Ah, du coup, on a ressorti Micheline. Oh, un gag qu'on a bien fait laisser au placard pour le coup. Alors, pas de voix féminine, hein, non. Donc, je vais essayer de parler un peu plus aigu pour... Bah, prendre l'hélium, du coup. Exactement. Cette semaine, on parle de Captain Sky et du monde de demain, de Kerry Conran, de 106 minutes, sorti en 2004 avec Gwyneth Paltrow, Jude Law, Angelina Jolie. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. A man came to see me today, said someone was coming for us. This world will end. I asked him who he was so afraid of, and repeated one name. Totenkopf. They show up without warning, take what they need, and then they disappear without a trace. What have you got me into this time? Nothing you can't handle, Frankie. Earth will be incinerated. Enemy warships closing fast. We can't hold them off any longer. They've broken through the perimeter. Send reinforcements. Send everything you got. Alors voilà, en écoutant la bande-annonce, on a presque l'impression que c'est un bon film. Ouais. Ça va être cool. En le regardant, on a moins l'impression que c'est un bon film. Hein. Là, c'est vrai qu'en en regardant, t'es sûr et certain que c'est un très mauvais film. Plus tu regardes, plus tu dis c'est nul. Hein. Le mec, après avoir fini les 2 heures de visionnage, ah ouais, c'était pas terrible. Qu'est-ce que vous en avez pensé, messieurs? Bah, je viens de le dire, c'est vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment nul. Ça m'étonne que t'aies pas. Non, mais c'est argumenté, je comprends pas pourquoi on n'est pas invité sur des plateaux ciné avec un avis aussi développé. Non, c'est juste objectif, là. C'est pas, ok, c'est pas développé, mais c'est objectif. Moi, j'étais, bah, j'ai eu un problème avec la bibliothèque, quoi. Ah, qu'est-ce qu'ils Ils m'ont filé, qui veut la peau de Roger Rabbit, mais sans le lapin, quoi. Non, mais ça, c'est vrai que c'est ultra chiant, t'as l'impression de regarder un jeu vidéo tout le long. Alors, ouais, un jeu vidéo en screener, parce que je sais pas pourquoi, mais pourtant j'avais une version plutôt lourde. Non, mais en fait, c'est parce que c'était tellement moche qu'ils ont mis un effet flou, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, sur le coup, j'ai cru que c'était une cinématique d'Alerte Rouge 2. C'est horriblement moche. Pour ceux qui connaissent. Alors, je vais quand même donner mon avis sur le film. Oui. Je trouve que c'est un gâchis monumental. Non, parce que l'histoire est bien. Non, mais attends, sans déconner. Je trouve que l'histoire est cool. La musique est très, très bien. Non, mais même, tu sais, tout cet univers, dieselpunk. Attention, pas steampunk, dieselpunk. Il faut être précis comme Wikipédia. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous connaissez pas, mais vous êtes nuls. Moi, je trouve ça pas mal. Et alors, par contre, putain, le FX2000. Alors là, ils m'ont fait mal à la gueule. Alors, je dirais plutôt FX1930. Là, ça explose la gueule de ces... Non, mais en fait, tu sais, tout est sur fond vert. T'as des... Ah, attention, anecdote. Fond bleu. Oui, fond bleu. Ah, pardon. J'ai lu ça aussi. Fond bleu. Fond bleu. Et alors, l'intégralité du film a été tournée sur fond bleu. Ben oui. Mais c'est insupportable. L'intégralité. C'est insupportable. Angelina Jolie n'a pas été embauchée pour le film. Elle est en fond bleu. Elle. Mais ceci dit, ça doit vachement faciliter les trucs. T'as un fond bleu, t'as un perchman et puis une caméra, puis bah ça quoi. C'est bon. Ah bah c'est sûr. Et un costumier et puis voilà, le reste. Ils ont tourné en 4 jours. Non mais il y a des fois où c'est vraiment vraiment moche. Tu sais, des fois. Ah, il y a des fois c'est hardcore moche. T'as vraiment l'impression de jouer à un jeu vidéo de 2000 quoi. tu regardes ça. Je me rappelle d'un plan où quand ils arrivent, je sais plus où là, il y a une chaîne qui bouge là. Horrible. Mais vraiment nul. Non mais Gwyneth Paltrow là quand elle est au milieu des robots là, mais en fait on voit qu'elle sait pas ce qu'elle doit faire en fait. Elle ouais. Fait mais je suis censé courir entre quoi? Bah on sait pas, on est en train d'écrire le scénario. Alors tiens Philippe, vas-y passe au milieu, t'as qu'à dire que imagine que Philippe c'est un robot. Imagine que Philippe c'est un dinosaure. De toute façon, on va faire 2 scènes, il y aura un robot, dinosaure donc et on n'a pas des heures et des heures non plus de location, donc on va la tourner qu'une seule fois. C'est combien ça coûte un fond bleu toi? Non, et voilà. Et en plus des fonds bleus, et je t'ai dit, t'as l'effet screener. Moi, au début, je me dis, putain, mais c'est un screener, le truc, c'est tout flou et tout. Et en fait, non. Ah oui, c'est tout flou. Moi, j'ai cru que ma télé était en panne, quoi. Sur le coup, ouais. Ça fait vraiment mal aux yeux, hein. Moi, j'ai gueulé sur le McDonald's. Je l'ai appelé tout aussi sec, hein. Donc, non, mais en fait, je trouve que, juste parce que du coup, j'ai pas donné mon avis, hein, tu m'as posé la question, mais les 3 premières minutes, je me suis dit, je pense que je vais aimer ce film. Les 3 minutes suivantes, je savais que j'allais pas l'aimer. En fait, moi, je savais que j'allais pas aimer parce que tout le monde m'avait dit que c'était nul, mais en fait, c'est, je sais pas, en fait, j'étais juste très déçu du chiffre monumental. À partir du moment où les robots arrivent, c'est-à-dire au bout de 6 minutes de film, je trouve que ça devient, enfin, tu te fais chier, quoi. Tu t'ennuies, ça devient n'importe quoi. Moi, ce qui m'a fait flipper, ça, c'est quand t'arrives, bon, à la scène finale et qu'il te reste 25 minutes de film, quoi. Tu dis, oh là là, c'est souvent le cas. Tu l'as regardé en accéléré, Greg, toi, du coup? Ouais, évidemment. Ouais. Ouais, mais attends, pour la petite anecdote, j'ai un vieil ordi, celui qui est près de mon lit, tu vois. Et ouais. Celui-là, il celui qui sert à la seg. Celui-là, il supportait pas le. Tu regardais le genre de film, j'en suis là, Greg. Il supportait pas. C'est celui bah, je regarde les films de HDP, je regarde que des films de merde, voilà, voilà. C'est celui qui est près du lit. Hein. Ok. Et il supportait pas l'accéléré. Je me suis dit, ah, c'est pas possible, je peux pas le regarder et tout. Et du coup, j'ai attendu le lendemain pour le regarder. T'as attendu le gros ordi. C'est très intéressant tout ça. Comme quoi ce film est magnifique. Qui résume l'histoire? On parle plutôt des ordis grecs que du film en fait. Qui résume l'histoire? Bah Greg. Ouais, je mets l'histoire. Bah, franchement, je suis même pas sûr de pouvoir. Bah, on est à New York. Enfin, on est sur un fond bleu avec New York derrière. Et il y a New York, un peu moche hein, quand même. Ouais. Donc années 30, ouais. Années 30. Uchronie. Alors c'est une uchronie. On est censé être en 1930. Ouais, j'ai vu le terme de rétro SF. Exactement, c'est pareil. C'est pas pareil, mais c'est la même chose. Oui. Y a un truc qui me choque dans le film, c'est qu'il parle tout le temps de la première guerre. Genre, la première guerre mondiale comme la première guerre, mais comme ils sont pas encore dans la deuxième guerre mondiale, pourquoi ils l'appellent la première? Je crois que ça, il va y avoir une deuxième ou? Bah ouais, les robots. Les robots, ils débarquent et j'aime autant dire que... Bon, et puis on apprend qu'il y a des scientifiques qui se font tuer, blablabla, il y a des méga robots qui arrivent directement, en fait. et puis, ils appellent c'est presque un super héros parce qu'ils appellent Captain Sky et puis Captain Sky, il est toujours là, il fait des tours en l'air, tu sais. il attend en l'air. Il y a que lui dans un espèce de coucou, Des années 30, hein, ouais, des années 30. Ouais, bon. Surtout que fait la police. Ouais, voilà, c'est vrai. Et puis, bah, ils vont partir à la recherche de Totenkopf. Je sais plus, c'est comme ça qu'on dit, Totenkopf. Totenkopf. Et puis, bah, ils vont le chercher. Ils vont au Tibet. Et puis après, ils vont sur une île déserte. Et puis là, il y a des dinosaures. Et puis il y a des méga méchants. Et en fait, ils se rendent compte que Totenkopf voulait faire une autre société sur un. Enfin, une arche de Noé. Ouais, c'est une aventure entre avec un aviateur et sa petite copine journaliste reporter. Oui. Et ils vont voyager autour du monde histoire de copier à peu près tous les films qu'on a déjà vus d'Indiana Jones à Jurassic Park. On sent que vous avez aimé hein, quand on le voit là. Ouais, c'était bien. Hein. Mais en vrai, en fait, moi, je me suis pas trop fait chier. J'ai pas mis à l'accélérer. Ah bon, tu veux que je lise le message que tu m'as envoyé sur tu l'as regardé ou Non, je t'ai dit que c'était gratiné, mais c'est juste que la fin est vraiment pas possible. Allez. Alors ça commence sur un mystère avec une reporter interprétée par Gwyneth Paltrow que je trouve assez jolie qui a un rendez-vous secret avec un scientifique qui va mourir. Il faut expliquer qu'il y a des scientifiques qui se font assassiner. Ouais, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'expliquer en fait. Ça parce que c'est même pas vraiment abordé après dans le film. Enfin, c'est juste un espèce de vieux prétexte pour entamer une enquête mais qui va pas vraiment avoir lieu. Ouais. Et alors on apprend déjà que le nom du méchant c'est Totenkopf. Quand t'appelles ton gamin comme ça, tu sais qu'il va devenir scientifique fou méchant parce que c'est vraiment un nom à part un attaquant du Bayern, personne peut s'appeler comme ça. Et alors dès le début, ça commence, ça monte en tour tout de suite avec l'attaque des avions robots. Alors il va y avoir que des attaques successives dans ce film. Attends, déjà il faut expliquer qu'elle a rendez-vous avec un scientifique qui dans un cinéma. Ouais. Donc elle est censée résoudre l'histoire la plus mystérieuse de ce début de XXe siècle. Déjà elle arrive en retard au cinéma. Et puis du coup ils discutent très fort en cinéma à emmerder tout le monde. Ah, mais c'est vrai que personne ne dit ah bah dans les années 30 les gens étaient respectueux quand même. Hein. Oh laisse-les parler, ça doit être important. C'est peut-être à propos de l'enlèvement des scientifiques. Donc là c'est vraiment un clin d'œil mais il faut vraiment vraiment le noter parce que c'est en tout petit qu'on voit le magicien d'Oz en arrière-plan, c'est-à-dire qu'on voit ça. On voit pas, Ah c'était le magicien d'Oz, d'accord. Ouais. T'as confondu avec quoi? Avec Starship Troopers. Et alors le scientifique, c'est marrant parce que pour une fois, il est petit, avec des cheveux blancs et des petites lunettes, et il parle en allemand. Ouais, ça c'est marrant, ça dit. J'ai jamais vu. C'est bien fait, hein. Là, on y croit vraiment. Ouais, et t'as attaque d'avion, c'est les avions vraiment déjà ou pas là? C'est quand même bizarre dans un film de scientifique qui est pas Jeff Goldblum. C'est vrai, ouais. Surtout qu'il fait référence à Jurassic Park à peu près toutes les deux minutes. Donc là, c'est des avions robots, ils sont gros, ils sont méchants, c'est des robots. C'est pas les avions, c'est des robots. Ouais, mais ils arrivent en avion. Ils arrivent en mode avion, c'est-à-dire. Comme les Transformers, ouais. En fait, ils écartent les bras, ça fait des avions, et ensuite, boum, ils s'atterrissent par terre. Et là, on comprend pas ce qu'ils vont faire parce qu'ils vont marcher dans la ville. Ouais, ils marchent dans la ville. Ils vont foutre un peu le turbo bordel. Et après ça, ils font, ouais, c'est bon, il y a Captain Sky, vas-y, on s'en va. Et ils décollent. Ouais. Comme je disais, ils appellent Captain Sky, ça c'est assez, ils font Captain Sky, et l'autre, il est en train de faire des ronds en l'air. Il est là, comme ça, il attend. Il fait, oh, on sait jamais si on m'appelle, faut que je sois prêt, tu sais. Donc il fait des tours au-dessus de New York. J'ai écrit, le mec, il attend en continu dans son coucou, tu sais. J'aimerais bien rentrer, mais si jamais on m'appelle, c'est chaud. Et après, en plus, et c'est pareil, il y a que un Manos qui s'occupe de la ville, quoi. Genre, ouais, ils appellent Captain Sky, genre, il y a que lui, tu vois. Mais moi, je croyais qu'à un moment, ça allait être un film de super-héros, en fait. Et Captain Sky, c'était un super-héros, quoi. Oui, mais le truc, c'est que, on sait pas d'où il vient, ce mec-là. Non, il y a aucune histoire sur ce gars. Il a son permis coucou, hein. Non, mais c'est vrai, c'est pas comme si, tu sais, Captain Sky, il avait une légende, quoi, tu vois. Si, dans le film, à un moment, dans certains dialogues, ouais, on sous-entend qu'il a fait d'autres aventures avant et tout. Mais c'est des aventures, je pense, qu'on meurt tous sans envie de connaître dans d'autres films. Mais c'est adapté d'un vrai personnage, ou enfin, d'un vrai personnage, là. Non. Ah, c'est un truc que le réalisateur a inventé, quoi. Ouais, c'est ça. Mais alors, pour l'anecdote, ce réalisateur-là n'a fait qu'un seul film, oui, c'est celui-là. J'ai vu ça. C'est étonnant. Et je pense que c'est un hommage. Je pense qu'il a dû le regarder après, quoi. Il s'est dû peut-être arrêter. À tous les univers qu'il aime bien, de science-fiction, de super-héros, de machin et tout. Il a créé ce personnage-là, et je pense que ça devait être un peu un espoir qu'il fasse d'autres Captain Sky et avec d'autres aventures, tu vois. D'accord. Parce que c'est sorti quand, ça, le voir. Sorti en 2004, je l'avais dit, si t'étais là au début du podcast. Ah, j'étais pas là, non. Ouais, donc, il y a l'attaque de gros robots, ça, c'est assez marrant, parce que l'attaque de gros robots, une fois qu'ils ont un peu tout niqué, ils s'en vont, mais personne les suit, c'est-à-dire qu'ils vont à 2 km/h, et on regarde pas où est-ce qu'ils vont, parce que ça serait facile de regarder. Genre, bon, ils vont où les robots après, comme ça, on va voir qui les a enlevés. En même temps, ils dominent tellement les robots que t'as pas trop envie de les suivre. Franchement, ils ont tout détruit sur leur passage. Mais Captain Sky, il arrive, il va se battre un peu avec eux, galère et tout. Et il y a Gwyneth Paltrow, donc son ex, qui slalom entre les robots en marchant, mais il faut comprendre. Ah, qui a pas l'air d'être effrayé. Ceux qui ont pas vu les robots font 60 mètres de haut, c'est-à-dire que elle peut vraiment se faire écraser par les robots à 2 secondes. Et lui, il arrive, et il y a un plan, c'est trop marrant, on le voit, il se penche de la fenêtre de son avion, et il la voit, et il fait, ah, c'est Polly, c'est mon ex, mais genre, il passe à 30 km/h, tu sais. Mais mec, un avion comme ça, le gars, il doit passer à 400. Mais t'es sûr qu'il est pas en train de faire un créneau pour lui faire ça? J'ai l'impression qu'il est à l'arrêt en l'air, c'est comme si c'était un hélico. Et donc là, voilà, c'est pour introduire l'histoire d'amour qui va être quand même relativement gonflante. Qui va être assez omniprésente. Hein. Et alors, elle est introduite par une Jurassic Park. Ça faisait longtemps que j'avais pas cité cette expression. C'était fait. Alors, une Jurassic Park, je rappelle, c'est quand un personnage dans un film ne voit pas quelque chose qui est évident en face de lui et qu'il s'en rend compte au bout de 15 secondes. Et alors là, lui, il arrive dans son bureau, il se sert un grand verre de lait. Et au bout de 15 secondes, elle lui parle, il fait « Ouah !» Le mec, elle était en face de toi depuis le début. Mal au ventre? Il y avait un bail, Joe. Je t'ai manqué. Dégage. Moi aussi, je suis contente de te voir. Dex pensait bien que tu bougonnerais. Dex? Ici, tout de suite. Il y aura bientôt 3 ans de cela, Joe. Il serait déplacé que tu m'envoies encore. Je ne sais même plus pourquoi on s'est disputé. Tu as saboté mon P40. Ah oui. À cause de toi, j'ai passé 6 mois dans un camp d'esclaves en Mandchourie. J'ai failli laisser mes phalanges. Joe, la vérité est que jamais je n'ai saboté ton satané appareil. En ce qui te concerne, tout ce qui comptait pour toi était de photographier le général Hideki en peignoir de bain, rappelle-toi. Tu sais, je commence à croire que tu as inventé cette histoire de sabotage dans l'intention de... En même temps, saboter un P40, c'est un vrai motif de rupture. Bah ouais. Bah oui. Bah ouais, mon ex, elle a pété mon P40. J'ai pété un câble. C'est toi qui as touché au P40. Alors l'histoire d'amour, elle est vraiment gonflante. Pour ceux qui ont l'oreille fine, ils reconnaîtront le doubleur de Keanu Reeves et le doubleur aussi de Brad Pitt dans 7 ans au Tibet. Alors après, ils vont aller au Tibet, c'est pour ça que j'y ai pensé, je trouvais ça assez marrant. Donc l'histoire d'amour un peu... Tu l'as vu en VF, toi? Non, VO, mais j'ai dû faire les extra audio, t'as bien entendu. C'est pas quelqu'un qui me les envoie par mail. Il est quand même sympa, cet auditeur qui t'envoie les extra audio. Non, c'est l'auditeur mystère, il m'envoie tous les extraits. Il fait mes commentaires à moi. C'est lui qui installe le matos, parce que des fois je rentre chez moi, tout est monté. Alors, l'histoire d'amour, ils vont se tourner autour, c'est bien chiant. Ils commencent l'enquête, ils vont retrouver le professeur dans son laboratoire où il y a une, machine. Ouais, ils sont d'abord passés, ils ont déjà d'abord récupéré la carcasse de robot. Vous avez vu comment il le transporte? Non. Sur deux voitures. Il transporte limite en scooter, quoi. C'est quand même un robot de 60 mètres de haut. Mais ce qui me fait marrer, c'est quand il parle avec son pote Dex et il fait, regarde, c'est un signal. Et en vrai, en effet, ça donne rien. Sauf à partir du moment où j'ai commencé à le mettre à l'envers. C'est-à-dire que tu reçois un signal de merde, tu dis, je vais le mettre à l'envers. Genre, c'est ton premier réflexe, mettre à l'envers les signaux, quoi, tu sais. Mais en plus, ce qui est trop marrant, c'est qu'il met à l'envers et on entend, tiens, au début, c'est à l'endroit, ça fait, et maintenant, regarde, je le mets à l'envers. Exactement le même truc, t'sais. Donc là, l'enquête commence, ils vont voir le scientifique, je sais pas trop si on va revenir sur toutes ces scènes-là. Non. Ouais, on a qu'à se quitter maintenant. Voilà, voilà, la semaine prochaine, et on remercie les auditeurs de Londres. Allez, à plus. Non, alors, le film avance. La méga base. Alors ça aussi c'est trop marrant. Capitaine Sky. T'as trouvé c'est... qu'il avançait toi le film. J'ai pas trouvé. Alors Capitaine Sky, il est tout seul. C'est le seul super héros. Mais il y a une méga base avec, je sais pas. Ouais. Sauf qu'il y a mille. C'est la base pilotes. De. C'est la base de Fast and Furious en fait. c'est leur garage automobile. Il y a 1000 pilotes mais on en voit zéro. Il y a 1000 personnes qui bossent sur cette base mais il y a que Dex et Capitaine Sky. Ouais. Et alors là, la méga base, elle se fait attaquer. Par les avions Ramanta. Ouais, exactement, les avions Ray qui sont assez puissants. D'ailleurs, globalement toutes les armes des méchants sont ultra ultra puissantes et logiquement quasi invincibles en fait. Et logiquement, ils auraient déjà dû tous bien crever quoi. Et ben là l'attaque de la base, enfin ça c'est assez marrant parce que le truc se fait attaquer, ça explose de partout. Déjà, ils discutent tous les deux tringues à base de non mais attends, t'avais saboté mon P40. Ah ouais, non mais attends, toi tu m'avais trompé pendant l'été, blablabla, et genre derrière ça pète dans tous les sens. Et lui, il fait, bon, allez, moi, je vais monter dans mon coucou méga dangereux pour aller taper de la raie métallique. Et là, elle fait, moi, je veux y aller avec toi. Mais t'es dingo, meuf, reste là, hein, franchement. Parce que là, dans son truc, il y a grosse chance de crever. Là, ce qui est marrant, c'est qu'aussi, des fois, les robots, tu sais, ils paraissent invincibles. Donc, les gros robots, tu leur fais, tu leur envoies des mitraillettes dessus, ça fait rien. Mais après, tu leur mets une petite bombe au pied, ça explose. ceux qui ont un binocle, là, au milieu de la tronche, bah, si jamais tu leur fais un headshot, bah, ceux-là, ils meurent. Par contre, si tu tapes n'importe où ailleurs. Et ben bah, il meurt pas. C'est clair. Le jeu et le film est conçu comme un putain de jeu vidéo. C'est genre pour tuer les super robots machin, faut tirer dans l'œil parce qu'il y a des petites lumières dans les yeux. On comprend pas pourquoi ça les arrêterait. Alors on a l'impression qu'il y a pas de mort, il y a aucune panique et il y a surtout pas de tristesse. Tu sais quand lui il va revenir sur sa base totalement désolé et détruite, il va juste être là, putain il est où Dex? C'est tout quoi. Bah, oui, mec, tu bossais avec 1000 autres manos quand même avant quoi. Rien à foutre de la secrétaire, rien à foutre du mec qui s'occupait d'ailleurs pour faire la vidange. Pour la petite anecdote, il me semble, mais tu vérifieras Antoine, que Dex c'est une référence à Day à côté de Dijon. C'est quoi? C'est une très mauvaise blague bourguignonne. C'est vraiment ne. Je vais pas vous la faire répéter. Un peu bourguignon. La. Non, la fais pas. Alors, on va pas la mentionner, mais il y a une scène. Non, on la mentionnera pas. Pas ce soir. Il y a une scène incompréhensible dans New York. Alors, on sait pas pourquoi il doit absolument aller dans New York avec son avion. Ouais. Et là, il va slalomer dans chaque ville. Alors, elle va lui dire, prends un raccourci, passe par Times Square, alors, retourne en arrière. Surtout, il vole, mais il vole pas au-dessus de New York. Il vole dans New York. En fait. Il a 3 mètres de la route. Et il attend que la nana lui dise, vas-y, tourne à gauche, on va prendre la 42e. Ça veut dire quoi, ça? Et surtout, tu vas à 350 à l'heure. Ben, mec, c'est chaud de tourner, hein. Enfin, les virages à 90, c'est pas évident, hein. Et surtout, c'est totalement inutile. C'est totalement inutile. Et en plus, c'est aussi un motif d'embrouille entre deux parce que. Ah oui, la dernière fois que j'ai vu deux avions voler proche de New York, ça a fini dans les tours. Non, mais c'est vrai, il a pas peur, hein. Bon. Ouais. Bon, bah, ils finissent par s'embrouiller. Moi, non, mais non, ça va pas, c'était en 2001. Parce que sinon, moi, je pensais que c'était un hommage à ce film. Alors, finale dans l'eau. Ah, parce que là, c'est très drôle. On croit qu'il va se crasher parce qu'il est poursuivi par 8 avions en métallique ray totalement invincible. Donc, il a aucune chance de les tuer. Même si c'est Capitaine Sky. Et là, du coup, il fonce dans l'eau. Ouais. Et le seul truc qu'il fait, c'est qu'il range ses hélices, pas ses ailes. Et là, d'un seul coup, son avion se transforme en sous-marin au lieu d'exploser à la surface de l'eau. Ah oui, parce que logiquement, bah, déjà, à cette vitesse-là, c'est du béton, hein, l'eau. Surtout qu'en plus, il accélère pour bien pénétrer l'eau. Et la meuf, après, lui dit, ah, mais tu m'as pas dit, j'ai cru qu'on allait mourir. Heureusement que t'as défié toutes les lois de la physique et que t'as réussi à rentrer dans l'eau en dérivant à 600 km/h sur du béton. Non, mais surtout qu'à mon avis, la vitesse à laquelle il descend en piqué, elle a du sang plein le cerveau, elle fait une hémorragie. Non, mais tu fais une crise cardiaque avant, de toute façon. Non, mais en plus, et derrière, elle est trop détente, genre, mais attends, on va s'écraser là, Tu sais, non, bah, moi, j'ai pas du tout cette attitude-là, quoi. Et alors ensuite. Son ami Dex, il a été capturé quand il rentre à la base a été totalement détruite, tout le monde a été tué, Dex a disparu, mais il a bien pris soin de laisser derrière lui un morceau de carte. Alors, la taille de la carte, si vous voulez, c'est une carte d'un mètre sur un mètre avec une carte du monde, c'est un tout petit bout de 3 cm carrés qui a été découpé, c'est écrit Népal, il y a une croix dessus, et donc il sait exactement où c'est, au Népal, genre on vient, donc c'est des coordonnées géographiques méga précises, ah, tu vois le truc qu'il fait. Il a vu. Bah merde, c'est au Népal, mais là pour savoir où. Ah mais il travaille chez IGN, Capitaine Sky. C'est ça en fait le truc. Ouais. C'est les cartes, ceux qui font les cartes. Donc la ni une ni deux, il part direct avec le coucou, hein, il prend pas un avion de ça qui pourrait avoir assez d'essence pour aller jusqu'à là-bas. Non, il prend son coucou, c'est plus simple. Coucou, ouais. Et puis là il fait New York Tibet. Bah, il fait long courrier. Hein. Il arrive et en plus il y a un même mec qui l'attend. Il n'y a pas de toilette en plus. Il n'y a pas d'éclairage horaire. Vu qu'il vole à 300 km/h, ça va, il est pas jet lag vu qu'il a mis 75 heures pour y arriver. Non mais c'est clair. Comme un gardon. Elle en plus à aucun moment elle se remaquille et tout. Enfin tu vois. Ouais, elle arrive, elle est encore bien maquillée. Bon, ouais ça là, va. C'est, ouais. Ça, c'est du raccord classique là. On va pas et donc plus. Ils arrivent dans un camp mais de l'extrême. Je sais même pas comment il y a une piste d'atterrissage. Avec oui, genre, comment ils atterrissent, ça c'est une bonne question. Ouais. Bah c'est un pilote, c'est Capitaine Sky. Hein. Il arrive et là il y a son pote Karaki, je sais pas quoi, qui arrive et qui fait oh, Capitaine Sky, qu'est-ce qu'il y a. Mais mec, comment il sait que t'arrives quoi. Tu vois. Ouais, je en 1940 pour aller là-bas, faut 7 ans. C'est... Salut mon chef. Ah oh, mon Sky, putain c'est mon Sky. Et d'ailleurs petite anecdote, enfin anecdote, non c'est pas une anecdote, un petit détail, c'est qu'il lui ramène des saucisses de Vienne. Ouais, des saucisses de Vienne. Ouais. Bah parce qu'il est gros, donc il faut bien faire la blague de comme il est gros, il mange beaucoup. Bah non mais c'est ça. Hein. Donc là ils partent ni une ni deux. Là ils perdent pas tant parce qu'ils ont déjà perdu vachement de temps avec les 4 jours de vol en continu. Ils partent en expédition dans les montagnes et là ça m'a expédition. Ils font accent allemand. Non, je suis vraiment dans 7 ans au Tibet à ce moment-là. Parce que, ils sont. Au Tibet, ouais. Ils sont au Tibet et, genre, ils partent et au bout de 2 secondes, genre, il y a un cut et là, ils sont dans un espèce de turbo-glacier, mais trop vénère, mais un truc qui n'existe pas. Bah, évidemment, il n'existe pas parce que c'est un fond bleu, mais. Bah, ouais. Genre, ils auraient pu y aller un peu plus sobrement. C'est vachement plus proche de l'arrêté parce que le fond est bleu et là, on est proche du bleu. Donc là, on est vraiment près. C'est ce qu'il y a de plus réel dans ce film. En fait, c'est peut-être la faute aussi. Alors, moi, d'ailleurs, c'est le mieux fait. Hein. Juste pour. Moi, j'ai une version spéciale, en fait. J'ai une version making-of où il n'y avait que le fond bleu pendant tout le film. Je me suis vraiment fait chier, quoi. Mais tu sais que je pense que tu pourrais construire à peu près n'importe quel film derrière en changeant les fonds bleus. Hein. Bah, je pense qu'il y a quand même une bonne armée de Manos derrière les ordi pour faire les décors, quoi. Ouais, c'est possible, mais. Donc, on peut pas le faire. Voilà, non, c'est ça ma conclusion. On peut pas le faire, ouais. Alors là, ça va être affecté, hein. Voilà, c'est dommage, hein. Mais vas-y, hein, dis-moi. Là, il y a une deuxième Jurassic Park, c'est-à-dire qu'ils marchent, ils arrivent en haut d'un sommet de montagne, ils sont là, putain, mais merde, j'ai l'impression qu'on le trouvera jamais. Et là, ils se retournent et il y a une espèce de pire base secrète, mais un truc qui fait la taille d'une montagne, qui était en phase 2 depuis à peu près 20 minutes. Oui. Et là, ils décident d'y aller. Alors, c'est sur la montagne d'en face, mais il y a un cut et ils sont dedans. Donc, je sais pas trop comment ils ont dû sauter. Ils ont peut-être plane. Ils ont dû reprendre l'avion. Et alors là, c'est une espèce de mine, compteur GGR, trahison tibétaine, explosif, explosion. Quelqu'un a quelque chose à dire sur cette scène? Rien à dire. Bah, si, bah, classique, tu vois. Bon, bah, de toute façon, on sait qu'on met les deux pieds dedans, donc on court devant l'explosion à la fin, quoi, normal, quoi. Ah bon. Oui, turbo explosif, ouais. D'accord. Mais il y a aussi une trahison à la fois tibétaine et féminine. Polly! Lâche-la. Donnez-moi les fioles et la fille vivra. De quelle fiole parles-tu donc, bandit? Je ne poserai pas deux fois la question. Lâchez votre arme! Encore une fois, j'ignore de quoi tu parles. Tu devras nous tuer. Si c'est ce que vous souhaitez. Non, attendez! Attendez! Thank you. Au revoir, mes amis. C'est ici que s'arrête votre voyage. On n'a pas parlé des fioles, d'ailleurs. Ouais. En fait, les fioles, pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est deux étuis à cigares, globalement. Ça ressemble à ça. Mm-hmm. J'ai pas calculé que c'était des fioles. Pour moi, c'était des pièces de métal. Ils expliquent à la fin que c'est des fioles. Ouais. Qui contiennent quoi, d'ailleurs? Regardez la fin, toi. Ouais, c'était bien, la fin. Tu as regardé deux fois, même, Greg. Je l'ai regardé, parce que... Ouais, tu as regardé sur quel ordinateur, là? Alors ensuite, ça va exploser, ils vont arriver à s'enfuir, mais ils vont quand même un peu subir l'explosion, ils vont s'endormir. Et ils vont se réveiller, c'est ça qui est drôle. J'ai pas du tout compris cette scène. Chez le Dalai Lama, donc c'est un temple tibétain, il va dialoguer en tibétain avec eux. Faut quand même préciser que donc il y a une explosion, ils perdent connaissance, ils se réveillent le lendemain tous les trois à poil dans un lit. Et toi, t'es drogué au GHB, en fait. Ouais, et là, c'est encore un lieu assez insolite, hein, là où ils sont, hein, franchement. J'ai envie de dire qu'il est tout en 3D, ce lieu. C'est joli, hein. Ah, sauf que là, ils avaient récupéré les images du Seigneur des Anneaux. Je sais pas si t'as vu, à un moment, ils sortent, on a l'impression que c'est le truc des elfes. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Et donc là, les Tibétains, ils font, ouais, rentrez, vous n'êtes pas chez vous. Et lui, il fait, ouais, non, mais je veux tuer Totel Pop, là, je sais plus comment il s'appelle. Et là, le Tibétain, tu sais, il marche pour partir. Ouais. Et là, il s'arrête. Et il fait, je vais vous aider. C'est genre, tu sais, c'est le fameux truc où je te tournais le dos et je vais m'arrêter parce que tu viens de dire un truc pertinent. Je te le fais souvent, Michael. Donc là, ils repartent en avion. Il y a une petite enquête dans l'avion. Tu sais, genre pendant qu'ils conduisent, on sait pas où, mais ils avaient le temps. Ils se sont dit, on va le faire avant. Ils sont partis faire du shopping, je crois, à Lhasa, du coup. Ils peuvent pas. C'est une période de solde. D'ailleurs, il y a un très bon tailleur à Lhasa. Il est connu mondialement. Il a pas grand taf à faire. Hein. Et il y a un truc qui est marrant, c'est qu'ils peuvent pas décider de l'endroit où ils vont avant de décoller. C'est-à-dire que c'est dans l'avion où il commence à faire le calcul sur sa carte. Ouais. Tu sais, comme en bateau, quoi. Mec, t'as vu la vitesse à laquelle tu vas? T'as pas beaucoup de carburant, hein, tu vois. La dernière fois que j'ai fait ça, je devais aller à Rouen, je me suis retrouvé à Limoges. Et là, donc, du coup, il y a plus de carburant, il faut atterrir d'urgence, et il y a trop de chance, puisqu'il y a le porte-avions d'Angelina Jolie, le porte-avions volant, c'est celui des Avengers. Ouais. Ça, c'est, j'avoue que l'idée est assez marrante, quand même, le porte-avions volant. Ouais, il est cool, quoi. Il est cool. Ouais, bon, je veux pas non plus en faire une caisse, hein, mais je peux dire que ça consomme de l'énergie, ce truc-là, hein. Tu m'étonnes. C'est pas écolo, hein. Ça doit pomper, ça. Et il atterrit dessus. Il atterrit, alors qu'il a plus de carburant depuis 20 minutes, mais il avait beaucoup d'élan. Ouais, il planait. Ouais, c'est ça. Ça plane pas mal. Et là, on rencontre Angelina Jolie en pirate. Ouais. Et donc là, il y a un peu des bails, tension féminine entre les deux, parce qu'elles sont toutes les deux jalouses, puisque amoureuses de Capitaine Sky et du monde de demain. Là, il y a un truc, c'est comme d'hab, c'est-à-dire que dans ce film-là, tu peux pas respirer 3 minutes parce qu'il y a tout de suite une attaque. une putain d'attaque. T'as ça ne s'arrête jamais. Là, c'est ça, là. Mais là, c'est pareil, il devrait exploser. La nana, tu sais, elle est hyper sereine. Elle se prend, le porte-avions, il se prend des bombes de partout. Et là, elle fait, je pense qu'on devrait plutôt attaquer par là. Et puis après, il décide de foncer sur le machin, là, qui lui envoie des bombes, quoi. Mais ils discutent, il y a une putain d'attaque et c'est méga dangereux. Descendez à 1200 pieds, déployez les contre-mesures. Oui, commandant. Nos patrouilles ont localisé une île à environ 2000 de notre position actuelle. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne figure sur aucune de nos cartes. C'est là qu'est son repère. Le repère de qui? À quoi veux-tu me mêler? À rien que tu ne saurais affronter, Franky. Poli, essaye de ne toucher à rien. Vaisseau ennemi en approche rapide à 30.2 degrés nord-ouest. Donnez-moi un visu. Largage, sonar, immergé. Donc voilà, ça pète dans tous les sens et puis ils ont le temps quand même de... que Polly est toujours en tailleur, en talon, hein, depuis le début du film. Elle s'est changée dans l'avion parce qu'avant elle était habillée en tibétaine et puis après quand elle part du Tibet, elle sera bien journaliste. Ouais, ouais. Normal, hein. Bah, quand t'es un reporter comme ça, il faut présenter. Hein. Enfin bon, talon aiguille dans la pampa, je peux dire qu'à mon avis, t'aurais usé... Ils sont pas dans la pampa, là, hein, c'est dans le Tibet, là. Oui, enfin... Alors... Il y a une scène sous l'eau parce que les avions vont se transformer en sous-marins parce que à mon avis là FX2000 ils ont fait non mais si on peut faire un truc sous l'eau hein, si tu veux regarde on a un effet haut, regarde on a un forfait. Oh, l'effet haut il claque, il faudrait que je l'utilise ça. Par contre il faut que t'aies un fond bleu, il faut que tu tournes sur un fond bleu. Et bon, juste à un moment par contre Angelina Jolie elle est dans un sous-marin je pense à 500 mètres de profondeur et elle va décoller parce que son sous-marin va exploser, donc elle va genre siège éjectable. Elle sort du truc et en plus elle sort de l'eau et après elle va automatiquement à 1500 mètres de hauteur. Ça c'est à mon avis son oreille interne c'est de la soupe. Parce que si t'as, déjà fait de la plongée au bout de 10 mètres, tu dois t'arrêter sinon ton cerveau il explose. Elle se fait 2000 mètres de dénivelé en 4 secondes. Je me suis dit, elle doit arriver là-haut, elle va plus donner d'ordre à personne, hein, à mon avis. Et donc là, ils arrivent sur l'île. Pas de choc thermique, hein, non plus, visiblement. Hein. Ouais, l'île qui est une prouesse de technologie. Hein. Alors, l'île, alors déjà, t'arrives sur l'île, il y a des dinosaures. Donc attaque de dinosaures évidemment puisque pas au début. C'est non, au début c'est comme dans Jurassic Park. C'est il est herbivore. Et donc on peut le toucher. Oui celui-ci est herbivore. N'hésite pas à le caresser près des dents. Je l'ai pensé sans compter. Bah alors là le méchant il l'a fait. Hein. Et là deux secondes après attaque des dinosaures. Ah, des dinosaures méchants. Direct à la raptor. Les vélociraptors. Alors il y a un truc que j'ai trouvé assez drôle. Alors là il faut connaître un peu sa géographie. Sa géologie, j'aime autant vous dire. Ils arrivent sur l'île en bateau, en sous-marin. Donc, ils arrivent près d'un petit lac en plein milieu de l'île. Ils courent 30 mètres parce qu'ils sont poursuivis par un dinosaure. Et là, ils arrivent près d'un ravin d'un kilomètre de haut, quoi. Bah, mec, t'es au niveau de la mer. Donc, là, je sais pas comment t'as fait pour aller là-haut aussi rapidement. Eh bah, tu m'impressionnes, Antoine. Très belle observation, alors là. Et l'observateur, le petit. Eh bah, il fallait suivre en SVT, les gars. Parce qu'on en parlait de ça. Hein, l'érosion des plaques. Alors j'aimerais faire un point aération pour tous les méchants qui nous écoutent. Faites très attention à l'aération de vos bases secrètes. C'est souvent comme ça qu'on pénètre dans vos bases. Hein. Je pense notamment aux trois quarts des James Bond et la plupart de tous les films. Mais là c'est encore une fois une plaque d'aération qui va faire défaut à votre système de sécurité. C'est dommage. Hein. Non mais prenez les bonnes entreprises quoi, c'est ça. C'est dommage parce qu'ils travaillent mal quoi. Franchement c'est, sinon bah, ils veulent pas passer par GDF. Ils passent par des tiers. Et ben voilà c'est mal fait. Hein. Mais tout ça pour faire au black. Pour économiser, pour faire quoi? Une fusée en chrome? Une fusée chromée? Parce que là, on va voir la fusée géante de Tintin. Mais bon, pour éviter de payer des droits, elle est coloriée en métal. En chrome. Allez, ouais. Chromée, donc là, en fait, c'est un petit peu le début de la méga scène de fin. C'est là que, bon, là, il te reste encore 35 minutes. Hein, donc ouais. Tu vas te taper 35 minutes de scène de fin. Tu commences déjà à pleurer. Et puis, bah, qu'est-ce qui se passe après? Bah là, il y a attaque de robot, Dex à la rescousse, parce que Dex, il était capturé, mais en fait, là, il a réussi à s'échapper. Ouais, normal. J'aurais l'ont capturé, mais il fait, bah, vas-y, reste là, bah, fais ce que tu veux. Tu veux t'amuser un peu avec les robots, là? Ouais. Bah, n'hésite pas à prendre une petite soucoupe volante, là, une petite balade. T'apprends à la piloter, comme ça, quand ton pote, il arrive, tu pourras l'aider, d'accord? Ouais. Surtout qu'en plus, il débarque au pire moment, quand l'autre, il allait crever. Enfin, bref, comme d'hab, à la rescousse. Ils arrivent devant le bureau de Totenkopf. Quoi, la couscous? À la rescousse. À la rescousse. Pas confondre avec la bourboule. Ok, ils arrivent devant le bureau de Totenkopf. Donc là, c'est attaque par l'électricité. Hologramme. Ouais, hologramme. Hologramme 1918. Hein. Et alors là, le twist qu'on va vous révéler, mais qu'on ne devrait pas. Mais en fait, de toute façon, vous allez voir qu'au bout de 30 minutes de film, tu t'en doutes. Puisque de toute façon, t'as pas le nom de l'acteur. Alors que clairement. Tu penses qu'on va donner envie aux gens de voir ces films quand même? Bah, en vrai, tu peux le dire. En vrai, c'est pas le but. Hein. En vrai, je vous conseille de le regarder quand même. C'est pas très bien, mais je vous conseille de le regarder. Je pense que c'est un film qu'il faut avoir vu. Ah, vous avez 2 heures à perdre. Et alors, Totenkopf, en réalité, est déjà mort depuis 2 ans. Mais non, plus que ça, 20 ans. Ah oui, 20 ans. Bah, t'as pas senti l'odeur qui sort du fauteuil. Ceci dit, au bout de 20 ans, logiquement, le corps, il est pas comme ça. Hein. Ça, c'est une référence à Psychose, probablement. Oui, c'est vrai que le corps, il est plutôt en bon état encore. Bon, et donc il est déjà mort. Donc en fait, ce n'est plus que des robots qui avaient été programmés par lui. C'est Skynet, mon gars. C'est Skynet. Exactement, Skynet. C'est Skynet avant l'heure. Enfin non, parce que 2004, oui, non, c'est Skynet avant après. On s'est compris. Là, il y a un truc qui a pissé de rire. Alors ça, j'ai trouvé ça très très classe. Et je vous conseille de faire ça si jamais votre compagne a fait des insomnies. N'hésitez pas à lui mettre une droite dans la gueule parce que ça endort tout de suite les femmes. Ouais, c'est vrai. À un moment, Gwyneth Paltrow, elle fait « Je veux y aller avec toi, je veux t'aider !» Et là, Jude Law, il réfléchit, il fait « Bah !» Mec, il lui met une baigne, mon pote. Il lui met le golden. Non, mais ce qui est marrant, c'est qu'en plus, tu sais, moi, au début, je me suis dit, il va faire un peu comme dans Tintin, tu sais, genre tiens, un coup de karaté dans la nuque. Ça, c'est radical. Ça endort aussi. Hein. Ouais. Non, il va vraiment lui mettre une baigne. Et après, golden dans la joue. Ouais. Et surtout, elle tombe genre, rap, comme un petit caniche au sol. Le problème, c'est qu'il a fini au pied au sol, quoi. Je veux dire, il va peut-être un peu loin. Mais... coup de catch, tu sais, il tombe dessus avec lui mettant une chaise. Il casse une chaise pliante. Non, mais surtout, derrière, tu sais, elle doit avoir la mâchoire, mais méga gonflée, quoi. Et surtout, ça endort pas, tu sais, ça fait super mal. Est-ce qu'il fait pareil pour pour la réveiller du coup. Non, elle va se réveiller toute seule puisque lui, il va se mettre en détresse comme un con. Et elle va arriver et elle va encore lui sauver la vie. Alors, faut savoir que pendant toute cette scène, il y a un compte à rebours qui marche. Mm. C'est le compte à rebours de la fusée, parce que la fusée est censée décoller avec toutes les espèces animales. C'est comme pour tous les robots qui écoutent. Hein. En fait, il faut expliquer que la Terre va exploser après. Ah oui. Et donc, le compte à rebours commence à 5 minutes. Jusqu'au décollage de la fusée, il passe à peu près 35 minutes. Hein, en temps réel. Hein. Et en temps ressenti, c'est 3h30. Et là, alors, c'est quoi le plan diabolique? Parce qu'on n'a pas expliqué, on va faire un dernier point. On terminera par ce plan d'ailleurs. Alors en fait, le but, c'est d'envoyer une fusée sur une étoile dont on connaît pas le nom, mais très très loin. Mm-hmm. Sachant que le mec n'est jamais allé dans l'espace, mais il va y aller direct. Et donc, c'est l'Arche de Noé. Il va prendre deux animaux de chaque espèce qu'il va mettre dans la fusée. Et les deux petites fioles qu'il recherchait, c'était les génomes de deux êtres humains parfaits, Adam et Ève. Alors eux, on sait pas comment ils vont grandir, puisque de toute façon, il y a personne. Et alors, le but, c'est que la fusée décolle, elle fait péter la Terre en envoyant une bombe dessus, et ensuite, elle va sur son étoile et recréer la nouvelle humanité parfaite. C'est pas mal. Moi, la question que je me pose, mais alors ça, c'est plutôt un point Arche de Noé, parce que je peux aussi poser la question à la Bible. Bah, qu'est-ce que tu fais, man, quand t'as tous les animaux, tu sais, genre, bah déjà les lions, ils vont bouffer la moitié des espèces une fois que t'arrives. Les poissons. Bah, surtout, ils vont bouffer les deux seuls antilopes qui étaient censés se reproduire, et qui du coup se reproduiront pas. Non, mais je pense que t'as déjà les trois quarts des espèces qui se sont bouffées entre elles. Tous les poiscailles, je pense, ils sont morts, parce qu'ils arrivent au sol, bah y a pas d'eau, mec. Et surtout, les êtres humains, bah, ça va être compliqué en fait. Parce que tu fais quoi? Tu fais un gamin à la nana qui est avec toi, et puis après, qu'est-ce qui se passe? Et bah après, tu fais. Bah, t'es consanguin. Ouais. Ouais, mais tu vas faire trois générations, mon pote. Après, ça va pas être une humanité supérieure. Hein. Non, c'est sûr. Ensuite, devinez ce qu'il y a à la fin d'un film avec FX 2000. Un bisou et surtout beaucoup d'explosions quand même. Hein. La fusée qui explose, c'est pas mal. Ouais, ça explose. Ouais, il y a du bisou aussi, ouais. Coup pas de chance hein, quand même, hein, les Américains ils se tapent les robots et puis après juste après le nazisme, franchement ça va être quoi, tu vois, dur quoi. Alors globalement, un dernier avis messieurs sur ce film? C'était nul. Ouais. Non, c'était quand même pas terrible, j'ai trouvé ça vraiment chiant. Mais c'était regardable, enfin tu vois, c'était pas King Rising. Non mais non, bah, franchement moi je le compare à King Rising. Hein. La planète des singes c'était bien, moi j'ai bien aimé ce film en plus quoi. L'esthétique est pas inintéressante, c'est pas mal quoi. Enfin moi je trouve un peu rétro SF justement, je trouve ça assez bien, cool. Ouais. Enfin moi je suis déçu, ça aurait pu être mieux mais voilà. Ouais. Mais après bon l'histoire est chiante quoi. C'était notre avis sur ce film, c'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion, n'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. 896 commentaires 5 étoiles sur Captain Sky, je rigole évidemment, il y en a 4. Putain, ça m'étonnait, je veux dire, c'est vrai. Alors, j'ai sélectionné du 5 étoiles et du 0 étoile, hein. C'est pour faire plaisir à Greg, comme une. Donc j'ai 3 5 étoiles, 3 0 étoiles. On commence par Jacquard, 5 étoiles, je vais commencer par les premiers 5 étoiles. Jacquard. D'accord. Qui nous dit « Très bon film, qui ose reprendre l'esthétique générale des films des années 50. Par moments, on se demande si c'est un film actuel ou un film de propagande de cette époque. » 5 étoiles. Bah putain, il n'y en a pas vu beaucoup, parce que moi, j'en ai pas vu des masses avec des robots géants et du loup. Ensuite, Laris, qui nous dit « Comment on fait pour supprimer une critique ?» 5 étoiles. Visiblement, il n'a toujours pas trouvé, parce qu'il y a toujours cette critique. Ensuite, on a Fredder qui nous dit « Ah oui, il y a des imperfections. Le rythme est un peu lent dans la deuxième partie du film. Mais quoi ? Cette ambiance incroyable. Le film ne se prend pas du tout au sérieux. C'est la fête du second degré !» 5 étoiles. Ensuite, on a Twan qui dit « Les premières scènes du... » C'est une expression qui m'a fait rire, en fait. « Les premières scènes du film sont longues et sans accroche. J'osais espérer un peu de changement par la suite, mais niette !» Niette. Tintin. 0 étoile. Ben tiens, aucun changement. On attend le changement, putain, tintin. Il n'y a pas le changement. Marie Le Garec. Ah, on a son nom. Hein. Alors, elle a envoyé un télégramme à Allociné, donc c'est « Mais c'est quoi ça ?» Scénario pourri, un héros qui se la pète, sa gonzesse nunuche et chiante, juste une minute sans musique, gros cliché, méchant super méchant, le meilleur ami enlevé, les images floues, Angelina Jolie. Elle a même pas 5 minutes de dialogue, une grosse dope. 5 étoiles, je pense qu'elle était en pleine panique. Ça, par contre, je pense marrant. Qu'elle a écrit son commentaire quand sa maison était en train de flamber, visiblement. Elle a enlevé tous les verbes. Non, par contre, c'est assez drôle ce qu'elle dit là, moins d'une minute de musique, moins d'une minute sans musique, oui, c'est assez marrant. C'est ça. Vrai. C'est vrai que la musique ne s'arrête jamais, elle est assez calquée sur la musique de La Guerre des Étoiles. Ah putain, mais c'était le début quoi. Moi j'aime bien. Ouais, mais enfin, ouais. À bout d'un moment, c'est pareil quoi. pas envie d'écouter la musique de la Guerre des Étoiles dans un film avec Jude Law, quoi. Ça n'a rien à voir. Attends, au bout d'un moment, faut choisir. T'as envie d'écouter la musique de la Guerre des Étoiles ou t'as envie de regarder un film? Alors, t'as envie de regarder Jude Law. Si tu regardes Jude Law, ça aurait été un film avec Keanu Reeves. Là, j'aurais eu envie de regarder, d'entendre la musique de la Guerre des Étoiles. On finit avec Golden Psycho qui nous dit: je suis venu, j'ai vu les pubs et bandes annonces, j'ai dormi la première heure, je suis reparti chez moi. Ce film est mauvais dans le scénario, le jeu pourri, les acteurs, la musique, l'image. Ah, parlons-en de l'image. Ils veulent redonner un style années 30 à l'image et du coup donner un aspect complètement flou. C'est fan de coach inversé. Quand mes yeux en ont eu assez d'essayer de faire la netteté, ils se sont... Ils se sont fermés. Zéro étoile. Il est très très bien, ce commentaire. Comment il s'appelle? Il faut qu'on le recroise, ce mec. Oh putain, attends, je te dis ça. C'est Golden Seiko. Bon, et bien voilà, c'était notre avis, celui des autres et celui de Golden Seiko sur Captain Sky et le monde de demain. On met la musique de Star Wars en fond, hein. Ça vous va? Ils ont changé deux notes, sinon ils devaient payer des droits. Non mais c'est clairement ça. Vas-y, monte un peu, c'est pas mal, moi j'aime bien ces lyriques. Vous aimez bien quand je chante par-dessus? Bon, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, mais avant, un petit point, effectivement, deux heures de perdu. L'aventure Patreon s'arrête. Et quelle aventure? Monte le son, parce que c'est vraiment une putain d'aventure, le Patreon. Alors, pour récupérer la thune du Patreon, c'est à peu près ça qu'ils vont faire. Faut aller au Tibet après qu'on combatte des robots et des dinosaures. Alors, bref, que l'argent est à Londres. On remercie tous les auditeurs de Londres qui avaient participé au Patreon. Et pourtant, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ça n'a pas fonctionné, Antoine? Puisque pour récupérer la thune, c'est pas possible, je galère mortellement et il y en a à peu près 50%. En fait, on a appelé Patreon, ils nous ont la musique quand même de notre générique. Vas-y. Ils nous ont proposé donc de venir récupérer l'argent sur le parking d'Auchan à 5h du matin samedi prochain. On a commencé à flipper. On a vu deux man dans une Golf, j'ai fait vas-y, ça sent mauvais, on part. Non, voilà, donc du coup, on trouvera d'autres solutions pour le faire, ce live, car on a très envie de le faire, mais effectivement, ce ne sera pas pour tout de suite à cause de ce petit contretemps. Vous pouvez toujours nous laisser les propositions de films en laissant un commentaire 5 étoiles sur iTunes. Oui, et on se retrouve la semaine prochaine, pour parler de petits meurtres entre amis. À la semaine prochaine. Allez, ciao.